Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Eh bien, nous voici le jeudi soir. Ça commence. Eh oui, bah oui, ça commence. On est jeudi soir, évidemment. Donc, de 20h à 22h dans l'émission 120 au compteur. J'espère que vous allez bien. Alors, ça va être moi qui vais être derrière la technique ce soir, puisque, bon, on a notre ami Sherlock qui a un tout petit souci technique, de logistique. J'espère qu'il va venir nous rejoindre et que ça va vite s'arranger pour lui. Il nous écoute certainement sur la route. On est de tout cœur avec lui. Ouais, on lui fait des gros bisous. Alors, autour de la table, évidemment, nous sommes avec Marine. Bonsoir Marine, tu vas nous parler de... De Gaëtan Roussel et d'un petit truc qui se passera le 13 octobre. Ah bah c'est pas mal, Gaëtan Roussel qui sort un nouvel album apparemment. Ouais, demain. Ah bah ça c'est bien. On est également avec Canon, on fait un tour de table. Bah bonsoir tous les gens, j'espère que vous allez bien. Bah écoute, plutôt bien, ouais. Oui. Alors toi t'as vécu une belle expérience. Oui. Ouais, tu vas nous en parler. Absolument, les championnats du monde à Paris de chant. Ouais, et ben ça tu nous en parleras évidemment. Ouais. Tu nous parleras aussi également d'un événement qui aura lieu donc le premier week-end d'octobre. Absolument, la Delta Fête qui va se passer à Herzo avec 15 artistes et ça va déchirer les enfants, je vous le dis. Nous sommes aussi également. Je vais même faire lui aussi une chronique. Ah bah oui, c'est pas mal. Voilà, ma chronique, tu sais, celle que je fais habituellement, je vais la faire. Bah super, bah on va faire avec. Si on a du temps, on la fera. C'est gentil. On est aussi également avec Onissa. Hello, bonsoir à tous, bonsoir. Et à toutes. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Ah, j'ai préparé une chronique sur une boisson de notre enfance. Ah ouais, non alcoolisée, attention. Absolument. Bon, eh ben écoute, ce sera juste après ça. Sur les ondes, évidemment, donc de RLM. Attends, t'as pas dit bonsoir, Harry? Eh ben, bonsoir. Ouais, bonsoir à tous. Et on commence avec Avicii, avec Hey Brother. Hey sister, know the water's sweet, but blood is thicker. you won't, no you won't. Until you try, until you try. You never try, you never try. Que vous aimez, c'est sur RLM. Évidemment, c'est toujours aussi bon. J'espère que vous passez toujours un très bon moment avec nous dans l'émission 120 au compteur. Je vais laisser la parole à Canon, puisqu'évidemment, il va y avoir. C'est gentil. Ben oui, on était là pour ça aussi, mon ami. Oui, c'est vrai. C'est voilà, vrai, donc vrai. Pour nous parler d'un événement majeur qui va avoir lieu bientôt d'ailleurs, c'est dans 2 semaines. Oui. Premier week-end d'octobre. Absolument. Alors tu peux nous en parler dans le détail. Oui, donc ça va s'appeler la Delta Fête. Donc tu dis un événement majeur, mais en fait c'est pas superlatif. C'est qu'en fait le 5, 6, 7 octobre, qui ne connaît pas le Delta, qui est donc un grand café, un lieu mythique en fait de la vie d'Herzo. Et en fait il renaît de ses cendres puisqu'il y a le Delta Solidaris qui va s'ouvrir. Donc la façade a été refaite, il y a de nouvelles infrastructures, il y a une école de danse, une école de gymnastique qui se mettent à l'intérieur. Et pour fêter son inauguration, il y a 3 jours jours de concerts gratuits avec 15 artistes qui vont se produire. Donc les gens disent gratuit, bah oui absolument. Donc en plus il y aura la possibilité, il y a des tables et des chaises, c'est sous chapiteau. Donc même s'il pleut, n'hésitez pas à venir. Il y aura des magiciens, il y aura des chanteurs, il y aura des chanteuses, il y aura vraiment beaucoup d'animation. Et c'est pas du petit niveau. Il y a le champion d'Europe, il y a Blue and the Blues Brothers qui est donc un groupe blues. Il y a Marco, Chante Johnny, l'orchestre Sébastien, Gibbs Vocali, Tivoti aussi, et Antonio, Émilie, Pamela, Pat, aussi très connu sur Moucron, et surtout aussi une soirée le vendredi 5 octobre, ça commence à 19h par une soirée dance party qui est animée par notre ami Stéphane de l'émission. Yeah, absolument, que vous retrouvez sur l'émission Mixage tous les samedis soirs. Et on remercie l'équipe, la direction aussi, puisque RLM contribue à cet événement de façon majeure avec d'autres partenaires, le Singing Studio, elle est à Pro. ACWP, Perfect Party de Christopher. Donc il y a beaucoup de médias, ça va être vraiment sympa. Ça va être vraiment très très sympa. Donc notez bien, c'est au Delta le 5, 6, 7 octobre. Vous tapez sur internet la Delta Fête, comme ça s'écrit, hein. Fête, F-E-T-E, hein. La Delta Fête, et puis vous verrez complètement l'événement. Pour les repas, je termine là-dessus, chicon, gratin, il y aura des hamburgers, il y aura barbecue, et vous rentrez ces systèmes de tickets, vous voulez pour 5, 10, 20 euros, il y a les boissons à des prix ultra démocratiques, hein, c'est vraiment prix brasseur, on n'est pas là, c'est vraiment un très très bel événement. De 11h à 18h le vendredi, c'est l'inauguration où j'aurai le plaisir avec Antonio et Pamela, Gilles Vocali, en fait, de faire l'ouverture complète. Voilà. Des questions. Tout est dit, vraiment envie d'y aller. Alors, allez-y évidemment, hein, d'autant plus que c'est gratuit, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas y aller. Effectivement, il y a vraiment une belle brochette d'artistes qui vont se produire et s'enchaîner sur scène. Le samedi et dimanche, ça commence parce que le vendredi, ça commence à 19h, mais il y aura quand même des gens et des officiels. Par contre, le samedi et dimanche, ça commence vraiment à se blinder. C'est pas pour faire un effet d'annonce, ça commence à se blinder. Si vous venez à un ou à deux, venez comme ça boire un verre. Si vous voulez venir à 3-4 et vous poser manger, passez un petit coup de bigot à la Delta Fête ou un message Messenger pour prévenir, comme ça on vous gardera des places. Mais ça part vraiment très vite. Donc à noter sur vos tablettes le 5, le 6 et le 7 octobre. On va continuer en musique, et puis je vais même faire une dédicace à une des auditrices qui nous écoute régulièrement, une petite dédicace à Véro, je suis sûr que ça lui fera plaisir. C'est rien que pour elle, Véro, et vous allez reconnaître évidemment. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine. They tried to make me go to rehab, I won't go.

Que vous aimez, c'est sur RLM. Mais oui, c'est toujours aussi bon et c'est d'autant meilleur, c'est que Sherlock est revenu, il est avec nous, donc ça fait bien plaisir. Alors Sherlock, il est arrivé à une mésaventure. Oui, effectivement. Attends, on m'entend là ? Ouais, non, c'est bon, on m'entend. Bien. Ouais, on t'entend. Ouais. Oui, effectivement, il m'est arrivé une mésaventure en venant ici à la radio, je me suis fait rentrer dedans sur la voie rapide en fait. Ah ouais, c'est voilà. Pas cool, mais bon, et que des dégâts ? Matériel. Ouais. Donc, mais ta tronche, c'est normal ou Oui, ça c'était déjà ça, avant. Ouais. À la radio, ça se voit pas. Moi, je trouve ça c'était comme ça. Ça plutôt remis du côté gauche. Ah ouais. Ça équilibre. Bon, bah, attends, je vais me faire rentrer dedans de l'autre côté. Bon, bah, t'as rien, c'est le principal. Ouais, ouais. Donc, c'est que de la tôle, c'est tant mieux. Et puis, on est content de te retrouver derrière la technique. Surtout toi, oui. On a reçu plein de messages sur le site, comme quoi il y a de la place pour une chronique. Il est gravement blessé. Bon, moi, je voulais vous parler d'un événement aussi qui me tient à cœur. J'en avais parlé très rapidement, mais c'est un spectacle qui aura lieu donc au CSE de Wattrelos, qui s'intitule donc Paris on t'aime. Paris on t'aime, c'est quoi? Bah, c'est un spectacle qui vous emmène dans tous les endroits, les beaux endroits lumineux de Paris, à la fois les monuments, que ce soit Pigalle, que ce soit les Champs-Élysées, mais aussi vous emmène à travers les époques à Paris avec la Révolution française, j'en passe des meilleurs. Donc c'est un spectacle qui a tourné aux États-Unis et qui va revenir et qui revient sur Wattrelos le 14 octobre, donc au CSE de Wattrelos. Il y a deux séances, on a eu la 14h et à 17h. Donc le 14 octobre, c'est un dimanche. Oui, dimanche. C'est ça, vous voilà. Ça, hein. Donc c'est un dimanche, c'est pas un mercredi pour une fois. Non, ça c'est pas donc, maintenant. Donc il y a une séance à 14h et à 17h. Et bonne nouvelle, on peut vous faire gagner des places. Ah voilà. Cool. Deux places. Pour gagner deux places, ben, c'est très simple. Il suffit donc de nous appeler au 056 34 11 81. Je répète, 056 34 11 81, précédé du 00 32 si vous nous appelez de la France. C'est cela, oui. Voilà. Mais je voulais dire, pas bien, cher Becker. C'est la troupe de temps en temps. C'est la troupe voilà, de temps en temps. Absolument. Tu en parlais pas, c'est la troupe de temps en temps qui est très connue. Voilà. Et on peut dire aussi qu'il y a un grand artiste qui joue dedans. Puisque oui, c'est j'aurais le plaisir, voilà, effectivement, de alors présenter, faire de la comédie, enfin bref, un peu tout, chanter. Tu danses, même. Tu vas chanter. Je danse, mais marre de rire. Tu vas pas chanter. Si, sérieux. Je chante. Non, parce que je comptais venir. Alors, je vous cache pas que je chante pas forcément en direct, mais en fait, je rends hommage à de très très grands artistes qui nous ont quittés ou pas. D'ailleurs, je salue Charles au passage. Donc, Paris on t'aime, si vous avez envie de remporter deux places pour la séance de 14h, donc le 14 octobre au CSE de Wattrelos, c'est très simple. Je rappelle le numéro, c'est le 056 34 11 81, précédé du 00 32 si vous nous appelez de la France. Et alors, voilà, pour réserver, il faut. Alors, les réservations, comme dans toutes les bonnes crèmeries, hein, vous allez sur ticket.net, vous allez à la Fnac, vous allez chez Leclerc, vous allez chez Carrefour et vous réservez vos places sans problème. Mais profitez-en pour gagner vos places ce soir, c'est le moment ou jamais. Voilà, yeah. Tu vas être sur tous les fronts parce que je rappelle aussi, je parlais de la Delta Fête, mais tu seras aussi l'animateur de la Delta Fête. C'est vrai, j'aurai ce plaisir-là cet 7 octobre. Hein, voilà. C'est monsieur Harry qui va nous faire l'animation pendant 3 jours, ça va donner. Ça va donner. Ah, ça va me faire plaisir. Ah, c'est ça bien. Va me faire plaisir. C'est bien. Ok, ben moi je vous. Vous êtes toujours sur RTL. Oui, bien sûr. Non, on se retrouve tout de suite après une petite coupure musicale avec Aya, mais je danse le Mia, yeah, et Paul Johnson avec Get Get Down. Ah, je crois qu'il a pris un coup sur la tête. Ah, ouais, c'est ça. Tu es fada, je crée des gueux, je comprends tous ici un par un. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle à nos trois corps en cul roulé au pied du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, des Buloni. Dès qu'il passait, Caméo, Midnight Star, SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des sacrés se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps. Via Planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles c'était moins rose. Oh cousine, tu danses ou je t'explose. Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère aura piqué. Oh, comment tu parles à ma soeur. Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière les cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait, fils, y'a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Hop, dont je brille, je te bousille, tu te rhabilles. Et moi, je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le défi. K8, c'est 73, JM 120, mon petit. Du grand voyou à la plus grosse montiette. La main sur le volant, avec la moquette. Par un soleil, bien sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie, écrit en gros. Sur mon père.

Get Down, je sais plus combien. Non. moi, je voudrais vous parler de Gaëtan Roussel parce qu'il sort un album demain. Attends, juste une question. Get Down, c'est de qui? De Johnson. Paul Johnson. Pas de Don. voilà, j'ai perdu le fil. Ouais, Gaëtan Roussel parce qu'il sort un album demain. Donc Gaëtan Roussel qui est auteur, compositeur, interprète et animateur radio, qui est né dans l'Aveyron en 72. C'est le leader des groupes Louise Attaque, Tarmac et Lady Sir avec Rachida Brakni. Ah, je savais pas. Je savais pas pour le dernier. Bah voilà. Bah, je me souvenais plus du premier, moi. Tu vois, Louise Attaque. Ouais, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Gaëtan Roussel, qui était proche de Alain Bachoun, c'est lui qui a participé à l'écriture de son album Bleu Pétrole. Oui, bien sûr. Ouais. En 2009, il a décidé de se lancer dans une carrière solo et il a sorti l'album Ginger avec la chanson Help Myself, qu'on entend souvent sur RLM. Ah oui. Il y a eu plusieurs victoires et Grammy. Grammy Awards. Ouais, Grammy Awards avec cette chanson et son album. Ah, il y a eu des Grammy Awards, carrément. Ouais, et il a été élu meilleur album de l'année et interprète masculin de l'année. Peu de temps après, il a produit son troisième album, du groupe Deportivo, Ivré et débutant. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas. Par contre, il a été élu meilleur album de l'année 2018. Non, 2019. Elle est voyante. 1789, Gaëtan Roussel. 1789, il en a perdu la tête. Mais n'empêche que si l'année prochaine, il est élu. D'accord, 2017, ouais, parce que 2018, c'est pas lui. Non, pas 2017, elle a 2009. Dit 2009. Ouais, c'est ça, 2009. Ouais. Écoute un peu. En 2013, du coup, il a sorti son deuxième album solo qui s'appelle La Simplicité, avec le titre qu'on a pu entendre, L'éolienne. Je sais pas si vous connaissez ça. Non. Et. Il a gagné en 2009, hein. C'est pour ça que. Et 5 ans après, donc demain, il sort son nouvel album qui s'appelle Trafic, et avec une chanson que j'ai choisie qui s'intitule Hop. Et pour les fans, il sera le 21 novembre au théâtre Sébastopol à Lille. Ah, tu es fan, toi? Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Ah, bah oui, ouais, parce que tu en parles. Je pense qu'il va y aller. Tu sais quelle radio? Il est animateur où? RTL2. Ah, d'accord. Ah, oui. Je savais pas. Ouais. Ah, c'est une petite radio locale. Il pose des questions intéressantes parfois. Ouais, c'est vrai. Il y a des chroniques où tous les jours il parle un petit peu comme toi, des chansons. Et puis. À part que lui, très bien. Ouais. Allez, bon, on s'écoute Hope et on revient tout de suite. Allez, vas-y. Tu inverses les moments, renverses les choses. Tu renverses les moments, inverses les choses. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout. Tu te rappelais pourtant de tout. Tu dis des mots à la place des autres. Tu dis pourquoi sans même dire un mot. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout. Tu te rappelais pourtant de tout. Mais à la fin, de plus rien du tout. Tu te rappelais pourtant de nous. Mais à la fin, de plus rien. De nous tu te rappelais de tout. Mais à la fin, de plus rien du tout. Tu te rappelais pourtant de nous. Mais à la fin, de plus rien. À la place, tu inverses le moment, FM. Eh bien oui, vous êtes toujours dans l'émission 120 au compteur et on espère que vous passez une bonne soirée. Alors moi je vais attaquer ma chronique parce que comme je l'avais annoncé, je vais vous parler en fait d'une chanson qui est très connue, qui est internationalement connue, dont je vais vous traduire les paroles parce qu'elle a à nouveau une histoire. Et c'est vrai que cette histoire, je vous en donne un petit peu quand même la genèse, ça fait 2-3 chansons que je prends et qui sont attachées en fait à des moments et des événements qui se sont passés, des choses parfois vraiment pas faciles. Et il y a des groupes en fait qui adorent ça. Et cette chanson, je vais vous traduire en fait, enfin je vais vous lire traduite, en fait je ne pense pas que beaucoup de personnes connaissent sa signification. Allez, je vous donne ça et vous essayez de trouver parce que c'est, oui, je mets mes lunettes, c'est l'idée. Parce que homme à lunettes, homme qui voit bien de loin. C'est ça. Dansons avec style, dansons un instant, le paradis peut attendre. Nous ne faisons que regarder les cieux, espérant le meilleur, mais nous attendons au pire. Allez-vous larguer la bombe ou non? Laissez-nous mourir jeunes et vivre éternellement, nous en avons le pouvoir. Mais jamais, nous ne disons jamais. Assis dans un bac de sable, la vie est un court voyage. La musique est faite pour les hommes tristes. Peux-tu imaginer quand la course est gagnée? Tournons nos visages dorés vers le soleil. Acclamons nos dirigeants. Nous mettons au diapason finalement la musique. Et jouée par des fous. Éternellement jeune, je veux être éternellement jeune. Veux-tu vraiment vivre éternellement? Toujours et jamais, éternellement jeune, je veux être éternellement jeune. Certains sont comme l'eau, certains sont comme le feu. Certains sont la mélodie, d'autres le rythme. Tôt ou tard, ils partiront tous. Pourquoi ne restent-ils pas jeunes? Il est si dur de devenir vieux sans raison. Je ne peux pas mourir comme une rose. La jeunesse est comme un diamant au soleil et les diamants sont éternels. Tant d'aventures pourraient arriver aujourd'hui, tant de chansons que nous avons oublié de jouer, tant de rêves qui surgissent de nulle part, nous les laisserons devenir... J'ai pas la traduction. Non, pardon, il y a trop petit point. Nous les laisserons devenir réalité éternellement jeune. Je veux être éternellement jeune pour toujours et à jamais. Ah non, d'accord. Est-ce que ça vous dit? Bah oui, évidemment. Bah oui, alors, Marine. Non, éternellement jeune. C'est du chanteur, mais le titre c'est. Pour toujours jeune, comment tu traduirais? Forever Young. Absolument. Forever Young. C'est Alphaville. C'est Alphaville. Ouais. Alors, par contre, j'étais parti sur complètement autre chose, moi, au début. Eh ben oui, mais. Sur Heaven Can Wait de Sandra. Ouais, parce qu'au début, tu parles le paradis peut t'attendre ou un truc comme ça, je fais Heaven Can Wait. Eh ben non, c'est pas ça. Bah non, c'est pas ça. Bah écoute, voilà. Pour rien. Alors pourquoi cette chanson, bah Forever Young, tout le monde a Forever. J'aspire le chewing-gum. C'est sorti en 1984, c'était à l'apogée de la guerre froide, parce qu'il y a une histoire assez en plein débat sur l'installation des missiles Pershing face aux SS-20 soviétiques. Alors toi, t'es très jeune, Marine, mais c'était vraiment une très très mauvaise époque. Nous, on connaît pas non plus, excuse-nous. Onissa, tu t'en souviens? Sorti de la guerre froide. Et le mouvement écologique faisait une percée politique dans la chanson Forever Young, évoque la jeunesse. Forever Young évoque la jeunesse, le temps qui passe, la peur de l'avenir et le risque nucléaire. C'est le troisième single du groupe Alphaville qui est sorti le 21 septembre 1984 et la chanson est issue de l'album homonyme, c'est-à-dire du même nom, comme tout le monde avait compris. Éponyme. Homonyme. Ah, homonyme. Homonyme. Forever Young connaît un grand succès, notamment en Europe, devenant la chanson phare d'Alphaville, ainsi que la chanson écrite certainement en prévision du voyage de François Hollande, un gros au Japon, le fameux Big in Japan. Donc, Alphaville était un groupe de New Wave allemand, hein, qui est originaire de Münster. Il débute sa carrière au début des années 80 et est composé de Marianne Gold, Bernard Lloyd et Frank Mertens. Allez, avant de vous laisser avec de la musique, je vous dis deux choses. Si je vous parle de Jean-Luc Godard, à votre avis, ça pourrait avoir quoi avec ma chronique? Alors, tous les auditeurs, posez-vous bien la question. Parce que ça, il est complètement déjanté, on comprend rien à ce qu'il dit. Je pense que le nom du groupe vient d'un titre de film. Absolument, de Godard. Absolument, c'est vraiment surprenant. En fait, le nom du groupe est choisi en référence du film. Ah ouais, lui, c'est Wikipédia sur pattes. Voilà, le nom du groupe est choisi en référence du film Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution de Jean-Luc Godard, sorti en 65. Ne me demandez pas. Pourquoi ça parle de quoi? Voilà. Il parle de quoi ce film? Tiens, et, quand même. Et tiens, on va la culture Harry. Quel était le nom du groupe Alphaville pendant 8 ans avant que 4 mois avant Forever Young, parce que vous dites Alphaville, tout le monde, non, c'est 4 mois avant Forever Young, comment s'appelait-il pendant 8 ans? Et ils avaient un succès en Allemagne en, quand même cette tournée. Beta Town? Non, non, non, ça vous parlait pas? Non? Je l'ai lu, mais. Eh bien, on finit comme ça, c'était Alphaville, c'était The Nelson Community. Ah bon? Il s'appelait comme ça. Okay. C'est Alphaville. Community. Alors là, je vous ai fait un petit remix de 3 remixes. Avec la deuxième partie, en fait, c'est quand même 7 750 000 vues sur Internet. Donc ça bouge, c'est Alphaville et Forever Young. Revue à leur sauce. Sur la fréquence, premier sur les hits, RLM tous les jours, le meilleur des années 80 à nos jours. RLM, 107.9 FM. Et oui, vous êtes toujours donc sur les ondes de RLM, bien sûr 107.9, la dernière sur les ondes et la première sur les tubes. Et puis vous l'avez pu le remarquer avec la belle programmation de notre ami Sherlock. Bonjour Sherlock. Dans l'émission donc 120 au compteur, je vous rappelle que vous avez la possibilité donc de gagner vos places pour le spectacle Paris on t'aime qui aura lieu donc le 14 octobre, donc la séance de 14h et de 17h donc au CSE de Wattrelos. Ne ratez pas l'occasion puisqu'en fait on vous offre deux places pour participer donc au spectacle, donc à la séance de 14h. Et pour ça c'est très simple, il suffit de nous appeler au 056 34 11 81. Je répète avec ma voix suave, 056 34 11 81. Voilà, j'ai bien fait, non? Oh, que tu es une voix suave. Que tu as une belle voix. Alors, parlons aussi d'une chose qu'on a vécue ce week-end, qui était assez sympathique. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on avait reçu Kashia et Eric, oui. Qui nous avaient parlé, oui. Voilà, donc de leur quotidien, puisqu'en fait Eric se prépare donc au championnat du monde, oui. Donc de bodybuilding, qui aura lieu donc au mois de décembre, exactement. Donc, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est au Vietnam. Non, c'est pas au Vietnam, c'est. C'est le nom du restaurant, c'est le pays. Non. Si, c'est au Vietnam, hein, je crois. Thaïlande, c'est pas Thaïlande. Autant pour moi, en Thaïlande. Et donc pour fêter l'événement, effectivement, ils avaient fait donc des portes ouvertes dans leur magasin HNV, et on a eu l'occasion donc d'y aller et de rencontrer des gens impressionnants. Ouais. Alors évidemment des champions d'Europe, des champions du monde, des costauds. Je peux dire qu'à côté, on était des brindilles. Marine et moi. Côte à côte, on faisait même pas le poids. Même pas, ouais. Enfin, si, on faisait peut-être le poids, mais en tout cas. Pas de gabarit. Il nous cachait bien. Ah, et on a fait. Je cherche l'élégance dans ce qu'il nous dit. Ouais, aussi, on a fait la connaissance, évidemment, d'un personnage. Et moi, je l'admire, évidemment. Et Marine était là et elle peut le confirmer. On a fait la connaissance donc d'Edgar. Edgar Jones. Edgar Jones, qui est donc champion d'Europe de bodybuilding. Et sa particularité, effectivement, c'est qu'il a en fait à l'âge de 4 ans il a perdu l'usage de ses jambes, et donc il y a eu un accident et il a tout simplement des jambes, on va dire, bioniques, et c'est pour ça qu'on l'appelle Bionic Body. Et c'est un monstre, mais vraiment c'est un monstre, on le et voit, un monstre, c'est super gentil aussi, et super gentil, ouais. Et ouais, c'est d'une gentillesse. Vraiment. Et alors il explique rapidement pour la petite anecdote, c'est que pour lui c'est compliqué de, alors qu'il a, il a, c'est son métier, mais pour lui c'est compliqué de participer au championnat des handicapés, l'handibuilding, ouais, puisque en fait pour lui il veut pas être en chaise roulante puisqu'il est debout, sauf que s'il est debout on peut pas le juger sur ses jambes, voilà, donc c'est assez compliqué. Et il se lance dans le cinéma, c'est vrai, ouais, il se lance dans le cinéma, et d'ailleurs il fait une belle apparition dans le film de Luc Besson qui s'intitule Valérian. Voilà, wow. Et on le voit. Exactement. Ouais, tu m'en as parlé, voilà. Maintenant en fait, je te l'ai dit, c'était avant-hier soir, j'ai regardé et je vois. Et c'est assez vois... impressionnant. Donc là, il envisage de s'installer à LA, donc à Los Angeles, de commencer sa carrière cinématographique. Et on le voit très très bien d'ailleurs dans un clip que Marine adore beaucoup, le clip de Maître Gims et Vianney. Voilà. La même. D'accord. Et voilà. Et donc, on le voit. Et c'est vrai qu'il fait méchant, gros dur, alors qu'il n'est pas du tout comme ça. C'est quelqu'un de très doux, de très sympa, de très accessible. Et pour l'occasion, Marine, on va peut-être se l'écouter. Oui. Allez. Ça marche, on s'écoute ça, on revient tout de suite après. Ça marche. Mais il marche. Que je dise quoi, ça roule, il n'est pas en fauteuil. Le monsieur bionique, il va venir te casser la gueule, toi. Mais non, mais il marche, attends, il a des spatules. Il a des spatules. Bah si, c'est des lames, des lames ou des spatules. Oui, c'est ça. Bah si. Mais bien sûr. Je crois qu'il a des jambes carrément toutes reconstituées. Ah d'accord, ok, bon, autant pour moi alors. Donc ça marche quand même. Belle rencontre. Allez. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes singes, les sages et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins, puis serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Alors là, on vient de recevoir un message de Maxime, Magic Maxime, tiens, qui nous écoute. Donc on le salue puisqu'il va faire partie des artistes. Absolument. Voilà, Max, qui est magicien, un excellent magicien et qui fera Absolument. Partie de la Delta Fête. Absolument. Mais t'avais pas fait quelque chose avec lui, toi? Donc le samedi, il se passera le samedi, c'est que entre 11h c'est l'apéro repas et après il y a Valou le clown et Magic Maxime qui feront leur show. Mais c'est un show comme ça décalé, c'est-à-dire ils seront là, il y aura des animations pour enfants, des jeux gonflables, il y aura des poneys à monter aussi. Donc Charlotte, tu veux venir. Moi je suis monté comme un poney. On a souhaité en fait que ça soit aussi une animation familiale, donc voilà. Et le coup d'envoi est donné à 19h30 par Blue Lullaby and the Blues Brothers, mais Magic Maxime sera là, bien évidemment, à faire ses tours de magie. Sherlock vient parce qu'avec un peu de chance, il pourrait te faire disparaître. Ça serait bien. Et effectivement, Onissa, j'ai eu le plaisir de partager la scène avec lui. En fait, c'est lui qui a partagé la scène avec moi. Non, c'est moi qui ai partagé la scène avec lui sur un numéro de magie et j'en garde un très, très, très, très bon souvenir. Donc voilà, donc je salue Maxime et qu'on retrouvera donc évidemment le premier week-end à la Delta Fête. Sherlock, oui, toi qui es assez rétro. Oh. Alors oui, effectivement, c'est le cas. Je suis rétro, mais pas trop encore, parce que là, c'était en 2000, non, même pas en 99. En 99. Ouais, t'es plutôt par choc arrière que rétro. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, ce soir, oui, c'est un peu ça. Effectivement, je suis plus par choc arrière. Alors oui, effectivement. Donc cette semaine, j'ai regardé un film. Bien, bravo. Félicitations, bravo. Alors là, bravo. Merci, merci. Voilà. Ça m'arrive quelquefois. Là, le film date de 1999 et plus précisément du 23 juin 1999. Un mercredi. Eh oui, effectivement, ça devait être un mercredi. J'ai pas eu le temps de vérifier, par contre, Onissa. Tu m'excuseras. Alors, donc, le film, la musique, donc, est de Don Davis. Ah, je ne sais pas si ça vous parle. Il y avait moi, une super coupe Davis. Alors moi, ça ne me disait rien du tout. Peut-être que vous, ça va vous parler. Le film a quand même fait 4 737 941 entrées au box-office français. Il a reçu 10 prix, dont 4 Oscars, 2 BAFTA, 2 Saturn et 2 Empire Awards. Et 10 nominations, notamment au BAFTA et au Saturn. D'accord, donc c'est un film de science-fiction. Oui. Oui. Effectivement, c'est un film de science-fiction. Alors, à mon avis, je vais passer le premier extrait. Il y a Harry qui va me dire, ouais, c'est bon, j'ai trouvé. D'accord. Donc, je vous le passe tout de suite. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Elle m'a dit, elle t'a seulement dit ce que tu avais besoin d'entendre. C'est bon, j'ai trouvé. Comme moi, il faudra bien que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Alors, est-ce qu'il a pris sa pilule? Oui, effectivement. Ah bah oui. C'est cultissime. Mais c'est... Bah oui, mais je ne l'avais jamais vu. Enfin, je l'ai regardé, jamais 30, vu complet. Je l'ai regardé 30-35 fois ce film, les trois. Oui, moi je l'ai... Ah donc il y a trois épisodes alors. Il y a... C'est une trilogie. Oui. Une trilogie. Non, j'ai pas trouvé. On peut même dire une quadrilogie à la limite. D'accord. Parce qu'il y a eu encore autre chose. Ouais. Alors, je vais vous passer un deuxième extrait pour peut-être vous mettre sur la voie. Écoutez bien. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? Elle est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Alors, est-ce que ça vous parle? Le nom de la rose. C'est pas possible. Non, c'est pas le nom de la rose. Non, mais j'ai deux rigolos à côté de moi qui font des grands gestes. On est en train de te faire la cigogne, qui est un geste de karaté kid. En fait, de karaté kid, mais qui en fait vient du kung-fu, qui s'appelle la cigogne. Oui. Qui est emblématique d'une certaine technique cinématographique qui a été faite. Oui, exactement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Donc c'est un film de karaté. Non, pas du tout. J'en sais rien. Et pas du tout. Excuse-moi, un petit aparté. Oui. Je tombe sur le, je veux dire, le cul, 4 millions à peine. Oui. 4 millions. Bah moi je m'attendais à beaucoup plus. Il est quand même arrivé, je crois, 11e. Enfin, depuis ils ont dû vendre 60 sur l'année. Ouais, ils ont dû vendre 60 millions de CD. Ah oui, ouais, bien sûr. Crois, bien sûr. Alors, bon, je vais vous passer donc une musique. Et on reviendra tout de suite après. C'est Rage Against the Machine avec Wake Up. Ouais. Cut. Keeping people calm, you know they went after King. When he spoke out on Vietnam, he turned the power to the half-nine. Alors, est-ce que ça vous parle? Rage Against the Machine. Oui. J'adore, j'adore. Moi, pas du tout. C'est vrai? Pas que j'adore pas. Hein. Non, mais moi, j'ai entendu la réponse. J'ai pas vu le film. Alors, je vais vous passer la musique, le thème du film, et je vais vous en parler, donc. Alors. Voilà, je vous mets un peu dans l'ambiance. Alors, Thomas A. Anderson, un jeune informaticien connu dans le monde du hacking sous le pseudonyme de Neo, est contacté via son ordinateur par ce qu'il pense être un groupe de hackers. Ils lui font découvrir que le monde dans lequel il vit n'est qu'un monde virtuel dans lequel les êtres humains sont gardés inconsciemment sous contrôle. Morpheus, le capitaine du Nabucodonosor, contacte Neo et pense que celui-ci est l'élu qui peut libérer les êtres humains du joug des machines et prendre le contrôle de la matrice. Alors, donc forcément, je vous ai quasiment donné le nom avec ce dernier mot. Donc, le titre du film, c'est Matrix. Effectivement, c'est Matrix. Non, je disais Matrix et Rocco Siffredi qui a repris. Alors, donc, il faut savoir donc que les noms des principaux personnages de Matrix n'ont pas été choisis au hasard et ont chacun une réelle signification. Neo est ainsi l'anagramme de One, l'élu, et vit dans l'appartement 101. Comme l'album de Dépêche Mode. Quoi? Comme l'album de Dépêche Mode. De quoi le... Bah, 101. Ah, d'accord. Ok. Morpheus renvoie au dieu des songes, donc Morphée. Trinity représente la Trinité, donc mère, femme, guerrière, et vit au numéro 303. Alors que Cypher rappelle indubitablement Lucifer. Oui, c'est ça. Cypher, le Cypher. Alors, quant à l'agent Smith, qui est à la fois partout et nulle part, il est tout simplement affublé du patronyme le plus usité aux États-Unis. John Doe aussi. Oui, alors ça c'est pour les personnes dont on ne connaît pas le nom. Alors un grand nombre d'acteurs célèbres ont été sollicités pour jouer dans Matrix. Alors accrochez-vous bien, parmi eux, Will Smith a été envisagé pour incarner Neo, mais a préféré se consacrer à Wild Wild West. Le comédien a plus tard confié qu'il n'était pas convaincu par le pitch et qu'il aurait livré une performance bien inférieure à celle de Keanu Reeves. D'autres rumeurs ont entouré le choix de l'acteur pour le rôle de Neo, avec les noms de David Duchovny, Leonardo DiCaprio et Johnny Depp, mais aussi Brad Pitt, Nicolas Cage, Tom Cruise et Ewan McGregor. Johnny Depp l'aurait fait. Je pense, oui. Oui, Johnny Depp l'aurait bien fait. Alors, le rôle de Morpheus avait quant à lui été proposé à Val Kilmer ou encore Russell Crowe, mais là encore, le comédien trouvait le scénario trop compliqué et inintéressant à ses yeux. Gary Oldman, Cho Yun-Fat et Samuel L. Jackson se sont vus également proposer le rôle de Morpheus. Cho Yun-Fat, c'est qui celui-là? Cho Yun-Fat, c'est un acteur chinois. Moi, je me doute. Alors, je sais plus dans quel film il a joué exactement. SLJ, je l'aurais bien vu. C'est vrai que. Oui. Ouais. Samuel Jackson, ouais. Enfin, Jean Reno était le premier choix pour se glisser dans la peau de l'agent Smith, mais déclina lui aussi la proposition parce qu'il ne voulait pas rester trop loin de sa famille après le tournage de Godzilla. Donc le tournage, savoir que le tournage de Matrix a été fait en Australie. Oh, et Jean Reno habitait aux États-Unis à l'époque. Pour jouer Trinity, les réalisateurs avaient d'abord pensé à Jada Pinkett Smith, mais celle-ci déclina l'offre. On la retrouvera cependant dans les suites dans le rôle de Niobe. Ils avaient également pensé à Sandra Bullock, mais elle a refusé le rôle car elle ne se voyait pas jouer aux côtés de l'acteur que le studio aurait choisi pour jouer le rôle de Neo. Je suis bien content que ça soit pas vu là. Alors, ceci, c'était forcément avant de savoir que l'acteur retenu était Keanu Reeves, avec lequel elle avait travaillé sur Speed en 94. Ouais. Donc elle a ensuite regretté sa décision. Bah oui. Donc afin de maîtriser à la perfection de multiples techniques de combat et de déplacement à l'aide de câbles, les comédiens principaux durent subir un entraînement drastique aux arts martiaux qui s'étala sur 6 mois en amont du tournage. Wow. Blessé au cou, Keanu Reeves dut tout de même s'entraîner au même rythme que ses partenaires et suivre ses cours avec une minerve. Les combats de Matrix sont réservés de durs moments et quelques blessures et contusions aux vedettes du film. Ainsi, donc allergique à la poussière, Laurence Fishburne, donc, qui joue le rôle de Morpheus, dut subir un véritable calvaire lors de son affrontement avec Hugo Weaving, qui joue le rôle de l'agent Smith. Il éternuait tout le temps. Dans un décor poussiéreux. Non, je sais pas, il est j'aurais allergique. Ta peau. et donc durant ce même combat, donc ça se passe je pense dans une salle de bain ou quelque chose comme ça, durant ce même combat, ce dernier termina donc la séquence avec deux côtes cassées et le poignet quasiment fêlé. Oui, c'est Alors, interprète de l'agent Smith, donc l'Australien Hugo Weaving a enchaîné avec une autre franchise fantastique d'envergure, Le Seigneur des Anneaux, où il incarne le seigneur elfe Elrond. Absolument. Et où il a croisé de nouveau le producteur Barry Osborne, donc, qui était également producteur sur ce film. Donc avant de retrouver les plateaux de The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions, donc, qui sont les deux suites, il a donc ainsi attaché son nom à deux des plus grandes sagas fantastiques de ce début du siècle. Et enfin, Michael Hutchence, donc le leader de INXS, devait normalement jouer un rôle majeur dans le film, mais s'est suicidé 3 jours seulement après avoir appris qu'il avait eu le rôle. D'accord. Eh bien. Voilà. Oui, d'accord. Ah, bravo, je ne savais pas pour les contusions et l'allergie à la poussière. Je suis ouais. fan de Matrix. Voilà. Si au niveau photographique, si vous voulez, c'est, alors ce que je te disais, Harry, tout à l'heure, c'est que tu vois certainement, enfin tout le monde voit cette scène où une femme s'élève plusieurs fois ou quand le gars ouais, ralentit, c'est le bullet time. Et en fait voilà, c'est-à-dire c'est qu'en fait tu mets plus de 24 ou 48, il faut 24 images secondes ou 25 ou 50 appareils photo qui sont tous distants sur un cercle de 360 degrés à autant, et chaque appareil se déclenche selon une scène et après on remonte ça sous forme de film, ce qui donne en fait cette vue, lui continue à bouger mais t'as comme un ralenti avec toutes les caméras qui tournaient depuis. Maintenant c'est une technique et, qu'on peut même faire soi-même avec des GoPro, ça a été fait. Bah après, il faut demander à GoPro. Ouais, après, c'est une technique qu'on voit partout maintenant. Donc, ouais, mais ça a été vraiment lancé donc avec le film Matrix de Andy et Larry Wachowski, qui sont devenus maintenant Lana et Lily Wachowski. D'accord. D'accord. Il est devenu elle. C'est ça. Les deux sont devenus elle. Ah d'accord. Ah oui, d'accord, les deux c'est sont. C'est deux monsieur dames maintenant. D'accord. C'est pas pratique. Non, effectivement. Donc, les autres acteurs, donc, mis à part Keanu Reeves et Laurence Fishburne, il y avait donc Carrie Ann Moss, Hugo Weaving, dont on a parlé, Marcus Chong, Ada Nicodemou, pour ceux qui connaissaient Heartlaker à vif, elle a joué dedans, et Gloria Foster, d'accord. qui joue le rôle de l'oracle. Ok. Eh ben merci oui. pour cette décédée, d'ailleurs, après le premier épisode. Il me semble. Oui, je pense. C'est pour ça qu'il y en a une qui l'a remplacée. C'est dommage. La première était très très très bien. Je peux prendre 30 secondes la parole simplement. Vas-y. On avait parlé des championnats du monde qui se sont passés. J'y reviendrai. Mais par contre, j'ai un petit cadeau pour les auditeurs. C'est que j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer Gentle. Oui. Donc de l'avoir en concert et d'être en face d'elle, de pouvoir déjeuner avec elle, c'est quelqu'un de très accessible. J'ai pas pu faire d'interview parce que ça s'y prêtait pas. Par contre, j'ai une captation complètement pourrie au portable, mais qui est en direct ouais. et qui a été faite il y a 3 jours, et je tenais, ça dure une trentaine de secondes, et si tu fais un mix de musique, si tu pouvais mettre ça. Donc c'est pour tous les auditeurs qui aiment Gentle. C'était il y a 3 jours à Paris et elle chantait en direct et on était en face d'elle et c'était vraiment très très bien. Eh ben écoute, on s'écoute ça, après on se fait une petite coupure musicale. Allez, on sait ce que je voulais dire. C'est une coupure musicale quand même. En fait, oui, c'est le but, c'est que t'enchaînes. On allez. S'écoute cette merde et puis après. Merci pour Matrix. Non, mais pas du tout. Pas merci du pour tout. Matrix en tout cas, c'était bien. Mais je t'en prie. Tu es élégant, sera et plus fort que les belles. Pour les trop mauvais temps. T'emmènerai en voyage, voir les plus beaux pays du monde, te ferai l'amour sur la plage, en savourant chaque seconde, ou mon corps engourdit sans flamme, jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme, mais quand on est femme, on ne fait pas ces choses-là. Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Ces petits patelins paumés. Pour qui personne n'a jamais rappé. Même pas un flow. Ces petits patelins paumés que même la France elle sait pas qui sont là chez elle. Les petits patelins paumés que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pardot. Je m'appelle Camini, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle Marly Gaumont. Alors qu'on monte sur le beat 1 qui fait. À Marly Gaumont, y'a pas de béton. 65 ans la moyenne d'âge dans les environs. Un terrain de tennis, un terrain de basket. 3 jeunes dans le village, donc pour jouer c'est pas chouette. Viens d'un village paumé dans l'Aisne, en Picardie facilement. 95% de vaches, 5% d'habitants et parmi eux.

Et oui, vous êtes toujours dans l'émission, où ça Marine ? Saint-Matthieu-Gontard. C'est bien celle-là, et non pas sur RTL. Voilà. Non, je reviens sur Matrix, c'était bien, hein. Bonne mais chronique. Hein. Merci. On a une deuxième qui se profile, tu devais nous parler, Onissa. Oui, d'une boisson de notre jeunesse. JB. Non, ça c'est ton adolescence. Ou alors t'as commencé très William tôt. Lawson ? Non. T'es qui là ? Non, non, la boisson Tang. Ah oui. Ah, qui ne connaît pas la boisson. Ah, mais la tequila. Ah non, toute seule. Ah oui, Tang. Donc en fait, ça se présentait en petit paquet. C'était, c'était de la une poudre. Petite poudre, ouais. Oui, qu'il fallait diluer dans l'eau. Et en fait, à l'origine, Tang a été créé en 1957 pour faire partie de nos petits déjeuners, mais ça ne décollait pas du tout. Ah bon ? C'était, non. Et ça a en fait pris quand la NASA a commencé à l'utiliser pour améliorer le goût de l'eau oui. qui récupérait oui. pour les astronautes. C'est vrai. Ouais. Et alors ça a toujours été associé en fait à la boisson des vols spatiaux et tout ça. Et à ce moment-là, ça, c'est parti. C'est arrivé en France en 1970. Ah oui, oh, moi je croyais que c'était pure année 80. Ah ouais, moi aussi. Ah tu vois, moi je croyais que ça était débarqué non. en plein milieu de... C'est arrivé en 70. Mes parents m'ont privé de ça pendant 15 ans. j'ai dû en boire qu'à partir de 15 ans. C'est pas et en fait, c'était une boisson au goût de fruits. Donc au départ, c'était à l'orange. Après, ouais. Passion. Et en fait, la particularité de cette boisson, c'est qu'elle ne contient aucun fruit. Ouais, bah c'est ça, complètement bah, cancérigène. Ouais. Mais alors, ils ah oui, il disaient vrai, que c'était aux extraits de fruits. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est une boisson aux œufs. Aux œufs ah, si, excipient 366, excipient 460. Ah oui, vous connaissez pas aux œufs. En fait, ben, donc les astronautes, en France, c'est arrivé, ça a percé à partir de septembre, parce qu'on a retrouvé le temps même dans les machines automatiques. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Donc on se l'est retrouvé à ce moment-là. Donc à partir de 1990, interdiction de vente du produit en France. Alors il y a une raison particulière, Publicité mensongère. Mensongère et tous les E. Ouais, il y a un produit cancérigène qui a été trouvé terrible, dedans, oui. Et qui était vraiment Par pas contre, bon. Par contre, ça a toujours été commercialisé aux États-Unis, au Mexique, au Canada, en Espagne, au Portugal, en Grèce, au Brésil, au Maroc, en Turquie, dans l'Inde, l'Ouganda et les Émirats arabes unis. Par contre, la boisson, elle est remise au goût du jour à partir de 2017. On la retrouve, oui. Et on sait l'acheter maintenant par internet. Bah oui, oui. Non, même en magasin, j'en ai vu la semaine dernière, je crois. Ah ouais. Alors je saurais plus dire si c'était en Belgique ou en France. Oh, en Belgique, mais ouais, je pense. Ah, parce que mais j'en ai vu en magasin. Voilà, c'est que tant que je surfe un peu sur cette vague de se dire on va reprendre ça, mais c'est plus la même chose. Par contre, il y a 2 ans et demi, puisque tu me dis c'est récent, voilà. Au Maroc, j'ai pu en boire une. Et en fait, c'était du vrai tang comme on connaissait, mais par contre, t'as plus le palais que t'avais à 15-16 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment pour tout. C'est vrai, j'ai retrouvé tout de suite le goût par contre. Moi, ma chronique, c'est ça en fait. Hein, quand tu regardes maintenant un dessin animé que nous on regardait quand on était jeunes, on se dit attends, c'est. Non, mais nous souvenir et puis. Moi, j'aime c'est... bien Nounours. C'est en fonction de nos années. Ah non, ça, c'est mais c'est vrai que la jeune génération, moi j'ai 2 enfants de 23 et 26, ils connaissent pas. Hein. Ah bah non, mais c'est sûr. Ah, moi, je connais pas. Hein. Tu connais pas le tang. Moi, j'ai jamais de nom parce que. Déjà, si en 90, c'était. Non, 93. Ouais, voilà, déjà. Mais en fait, c'est pour ça, vous, votre problème, c'est qu'en fait, vous n'étiez pas en arrière avec votre manche 10 quand vous écoutez Michael Jackson ou voir un tang. C'est vrai. Vous passez à côté de tout ça, quoi. Oui, mais c'est vrai, quand tu vois le décalage avec tout ce que nous, on avait vu. Tu connais même pas les Fritzy Pazzi. Si, parce que ça existe encore, les Fritzy Pazzi. Ah, si, oui, ça existe encore. T'en as parlé, non, déjà ? Non, ça, non. Ah, bah non, je connais pas. Non. J'ai fait goûter récemment des bonbons à la violette, mais par contre, ils ont été refaites. Non, c'est un petit tip, ça vous. Des bonbons à la violette, il y en a en goûte encore. Par contre, il y en a qui ont été refaites parce qu'il y avait une vraie recette qui a été faite et il y a donc un, je sais pas qui, alors là, me le demandez pas, mais qui a repris la commercialisation. C'est un peu plus onéreux, évidemment, hein, c'est pas 1,50€, mais ça le fait vraiment et ça reprend ce que nous on connaissait des bonbons à la violette. J'ai donné ça à des gamins, tout ça qui. Oh, c'est bon! Eh ben, on me disait la même chose. Eh ben, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, quand ça, j'étais un peu moins jeune. Mais il y en a une flopée comme ça, hein, des friandises. Vous vous rappelez un peu des gagnons, là, les chewing-gums. Ah oui, s'il était rose, oui. On perdait. S'il était vert, ah oui, et on passait son temps à les ouvrir. Ça, et, c'est vrai, comme les petits bonbons qu'on mettait que ça pétillait, là. Bah, les Fritzy Pazzi, ça pétillait, hein. Oui, mais là, c'était vraiment. Ça claquait parce que ouais, c'est ça. C'était des petits paquets. T'ouvrais le petit paquet, ça faisait des sortes de petites paillettes. Maintenant, on l'utilise en chirurgie. Pâtisserie pour faire à base de chocolat pour mettre au cœur de certaines pâtisseries. Ah oui, c'est excellent. Ah bah ouais. Ah, ça c'est délicieux parce que. Okay. Bon, il faudra qu'on m'explique comment ça fait pour péter comme ça dans la bouche, hein, mais. Bah à mon avis c'est chimique hein, quand même oui, non, évidemment, avec la salive les enzymes ouais, ou comme ouais, ou avec oui c'est ça c'est une réaction Perrier, il y a des buts, je crois que c'est emprisonné puis ça, bon et bien très bien Jamy maintenant on va s'écouter allez, un peu de musique fais nous pétiller allez ouais ah bah alors avec le son belge de Divaphone avec Matou Yega ça s'appelle Shine on My Way mais c'est cette année ça hein oui c'est de 2017 je pense d'accord et on reviendra avec également un son belge des Lost Frequencies avec James Blunt et mélodie. Ah, et là, c'est vraiment le tout dernier tube. Diamond glorified. Musique que j'aime, elle est sur RLM. Toujours sur RLM dans l'émission 120 au compteur. On espère que vous passez une bonne soirée, mais on s'achemine doucement vers la fin de l'émission. Il nous reste une poignée de minutes avant de terminer l'émission, mais une belle poignée, puisque dans cette poignée, il va y avoir du cinéma. Oui. Et oui, effectivement, je vais vous parler. Pas beaucoup de cinéma parce qu'il n'y a pas beaucoup de films qui ont retenu mon attention cette semaine. Donc les sorties donc ciné de la Belgique et de la France, donc ils sont sortis hier. Vu que maintenant on est passé au jeudi, maintenant c'est les sorties d'hier. Donc je vais commencer avec le film L'ombre d'Emily. C'est avec Anna Kendrick, Blake Lively et Henry Golding. C'est un film de Paul Feig. Ça sort également en France, enfin c'est sorti en France également hier, pardon. Donc ça se passe dans une petite ville des États-Unis. Stéphanie est une blogueuse, elle cherche à découvrir la vérité qui se cache derrière la disparition soudaine de sa meilleure amie, Emily. Donc aidée par le mari d'Emily, Stéphanie découvre peu à peu que les secrets enfouis de cette histoire entremêlée entre amour et loyauté, meurtre et vengeance. Oh là là, ouais. Bon, je vous rappelle que Emily chante pour vous sera là le 7 octobre. Comment faire de la promo cachée ouais. Quoique c'est même plus caché. Alors, donc ensuite, il y a le film 22 Miles. C'est sorti le 29 août en France. C'est avec Mark Wahlberg, John Malkovich et Ronda Rousey. C'est un film de Peter Berg. Donc, c'est James Silva qui est un agent spécial de l'unité d'élite qui opère en secret dans le monde entier. Lorsque Silva et son équipe doivent escorter clandestinement un informateur à l'aéroport, 22 miles plus loin. Voilà pourquoi le titre. Tu fais combien en kilomètres ? Donc, 1 mile, c'est 1 km 609. Tu fais le calcul. Donc, 22 miles plus loin, il comprend que la seule route par laquelle ils pourront s'échapper traverse le cœur de l'état policier corrompu. L'avion n'a qu'une minute pour embarquer l'informateur. S'ils ne sont pas au rendez-vous, toute l'équipe sera livrée à la merci de l'ennemi. Wow. Ça sonne énormément comme avec Clint Eastwood avec le bus, hein, qui a déjà été à Rumec là. Quand il doit traverser avec un bus toute la ville avec des flics corrompus qui l'empêchent d'arriver jusqu'au bout. Ah si, ça vous parle évidemment ça. Et ça a été repris avec Bruce Willis récemment, où vous avez un flic qui prend en fait un gars qui doit amener à travers la ville à peine 10 km, 6 km des pâtés de maison. Mais le problème, c'est que tout le monde veut sa peau. Et chaque maison, chaque mètre qu'ils font, pas de vous parler quand même, non? Non, pas du tout. Ah, vous êtes vraiment mais je regarderai de cette là parce que ça m'intéresse. On a reçu des gens. Ouais, si, je te dirai. Alors, et je vais finir donc avec le blockbuster qui est sorti hier, donc en France et en Belgique. C'est La Prophétie de l'Horloge avec Owen Vaccaro, Jack Black et Kate Blanchett. C'est un film de Eli Roth. Et donc c'est un conte magique et familial qui suit Lewis, un orphelin de 10 ans, qui s'installe dans la mystérieuse demeure de son oncle Jonathan, avant de découvrir que ce dernier est un sorcier. Derrière ses murs se cachent de nombreuses créatures et secrets, dont une horloge qui aurait le pouvoir de déclencher la fin du monde. Oula. Donc c'est très inspiré à Harry Potter et tout ça. Voilà. Et il y a Kate Blanchett. Ça m'amuse parce que c'est quand même Jack Black et Kate Blanchett. Oui, c'est vrai. Attends, c'est un super duo quand même. Alors vous iriez voir quoi? Je sais pas, l'unité spéciale, c'est quoi le titre? 22 Miles. Alors, Marine, elle va aller voir un film dont le titre il est pas en anglais. La Prophétie de l'Horloge, du coup. Olissa? Moi aussi, la 22 22 Miles, ok. Alors, moi j'irai voir 22 Miles. D'accord. On la trouve toute seule. Bah, moi, La Prophétie de l'Horloge, parce que j'aime bien voilà, ce film. Voilà, ça y est, il est occupé. Ah oui, bah voilà. Et moi, j'avais une question, tiens, justement, parce que je me la posais hier soir en regardant un feuilleton. Oui. Alors, vous avez remarqué, tous les soirs, on a toujours le droit, soit aux experts, ou soit New York District, criminel, tout ce que... Et je me suis posé une question, et je me suis dit, mais tiens, il y a un truc que je comprends pas. Parce que souvent, quand les mecs qui se présentent, ils disent, ouais, ça y est, c'est le FBI. On est d'accord. Oui. Sauf que quand ils se présentent et qu'ils font partie de la CIA, ils disent c'est la CIA. Ouais. Et je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi ils disent pas c'est le FBI, puisqu'ils disent CIA. Ouais, je suis d'accord, CIA. Pourquoi ils disent ouais, c'est vrai. Expliquez-moi un peu pourquoi. Ben, c'est la traduction française qui est mauvaise, c'est tout. Bah non, pourquoi est-ce qu'on dit pas le FBI? C'est vrai que ça ferait moins. Ah oui, non, mais c'est pour ça, c'est la traduction française qui a été mal faite, parce que normalement, oui, effectivement, en français, tu devrais dire c'est le FBI. Bah ouais, mais ce serait marrant. Ça fait moins fun. Hein. Bah pourtant, on dit la CIA, on dit pas CIA. Ouais. C'est normalement, c'est CIA. Ouais. Ouais, c'est CIA. Voilà. Ouais. Donc je me suis posé la question, vous savez, j'ai des questions comme ça un peu existantes. Non, c'est vrai, c'est vrai. Question qu'elle on sait pas répondre, en fait. Bonjour, je vais poser. Voilà, donc tu vas voir sur internet pourquoi on dit. Ça va me stresser. Un autre truc aussi, c'est que dans les séries, souvent, ils s'appellent par leur nom de famille. C'est vrai, ouais. Tu peux regarder dans Les Experts, il y avait Gil Grissom, il l'appelle pas Gil, il l'appelle Grissom. Ouais. Ah, mais je crois que c'est son prénom, moi. Mais non, c'est bah Gil. Non. Ah ouais, Gil, ça fait pas trop. Hein. Ouais, bon, va. Bah... Et grosse Gil, chut. Et pourquoi dans les séries françaises policières, ils les appellent pas par leur nom? Bah si. Je sais Julie. Pas. Oh, si, non, je ne sais Julie. Pas. Si. Ah bon, Julie Lescaut, il dit ça, Julie. Ouais, si, si. Ouais, ah ouais, il appelle pas Lescaut, tu vois. Pas Lescaut. Ils vont pas l'avoir, ils disent pas Lescaut. Non, il appelle Julie, tu vois. Ah ouais, je sais pas. Okay. Alors, c'est une bonne question sur la scène. Donc, mais voilà, c'est une particularité des séries américaines. Ouais. La plupart du temps, ils s'appellent par les noms de famille. Même quand ils sont assez proches ou si c'est deux coéquipiers, Starsky et Hutch, ils s'appellent pas. Il dit pas ouais David. C'est vrai. Tu vois, il dit pas David Starsky, il dit Starsky. Ouais. Non, tu as raison. C'est une particularité des séries américaines. Comme nous, en fait. On s'appelle par nos noms, à part Marine, mais Sherlock, Sherlock, Onisa. Ouais, mais nous c'est des surnoms, mais là, c'est vraiment. Ah, c'est un surnom, toi? Mais non, mais Starsky, comment? David Starsky, c'est bien logiquement son nom. Il s'appelle Starsky, je suis d'accord. Il s'appelle par leur nom de famille. Ouais, il s'appelle souvent par le nom de famille. Donc le film dont tu nous as parlé, c'était Matrix. C'est comme on fait l'ail. Eh oui, effectivement. Bon, alors, je vais essayer de trouver une chanson parce que j'ai rien cherché de cette là. Ah bah bravo. Allez, fais-nous une roulette song. Une roulette song. Ah ouais, il y a longtemps. Allez. Bon, allez, c'est parti. Vous me dites stop. Stop. Stop. Bon, bah. Non, pas bas. C'est quoi? Bon, le rouge et le noir avec les maudits mots d'amour. C'est bien, c'est parfait. C'est tiré de la roulette d'une song. Comédie musicale. D'accord. Allez, ensuite on va partir dans les titres internationaux. Dites-moi stop. Stop. Pony Pony Run Run avec Hey You. Ok. Très bien. Qui était sur Moucron il y a quelques années d'ailleurs. En 24 heures. Eh ouais. Eh oui, exact. Allez, bah c'est parti. Et c'est demain. Vous là, je dis belle dame, je suis tombé d'un seul coup sous le charme. Vous avez mis le bonheur en mon âme et mon cœur en émoi. Et vous? Vous là, je dis cher ami, vous réveillez une flamme endormie. Quand je voulais maîtriser l'incendie de mon corps en émoi. Et vous? dès que je suis contre toi, l'interdit vole en éclat. Qu'il ne faut pas dire, toutes ces nuits passées à retenir son désir impromptu et vous. S'il suffisait de souffrir pour épargner ce que l'on va trahir, s'abandonner sans remords ou plaisir, défendu qui me tue et vous. Mais dans l'ivresse de tes bras, tout le reste. De mon sort, ce n'est plus Dieu, mais c'est vous que j'adore. Et je vous jure, à la vie, à la mort, de me perdre à ce jeu. Et vous? Take no time today, it's not an easy game. Many seem to be seen if you say so, it's not too easy, baby. Crossing lines, don't let me feel this way. 107.9 FM. Et c'était Pony Run Run qui était au 24 heures il y a 3 ou 4 ans je pense. Et du coup n'oubliez pas, demain soir c'est les 24 heures avec le concert des Puppet Mastaz et de Magic System. Yeah. Ouais. Alors, rappelle-nous un peu le principe des 24 heures justement. Alors c'est pour Jeanne la Palestine. C'est pour donc c'est pour pouvoir, bon, donc ils vont faire des concerts, vendre des choses, ceci cela, et pour leur offrir des instruments à un groupe de musiciens palestiniens, leur offrir des instruments pour qu'ils puissent tourner et faire leurs concerts en fait. D'accord. Ouais. Bon, enfin voyez, enfin moi l'objet est un peu étrange pour moi. Voilà. Ouais, je crois que... c'est le principe pour que tous les jeunes se réunissent, c'est bon enfant. Hein. Ouais, ils se sont dit que cette année ils allaient changer, ils allaient faire un petit peu plus loin pour dire d'aider plus loin du coup que par chez nous. Ouais, c'est pas mal. C'est mais 40e anniversaire. Ouais, 40e édition, ouais. Édition de des 24 heures de mon compte. Ouais, ouais, ouais. Ça commence demain et demain midi et jusque dimanche soir. D'accord. Donc c'est sur Moucron, évidemment. C'est ça. Ouais. Pleine de Necker. Après l'idée est simple. L'idée est sympa. Oui, non, c'est bien qu'il y ait des associations aussi. Après, faut aimer Magic System. Hein. Ouais, mais ça met de l'ambiance, rien. Ouais, oui, c'est les ambianceurs, ouais. C'est, ouais, c'est pas mal. Ouais. L'ambiance va être là. C'est pas ma couleur musicale, mais c'est vrai que bon, une fois que t'es dans l'ambiance, ça doit être. Non, c'est pas un jeu de mots. Je viens d'un championnat international où beaucoup de gens disent ça, c'est pas ta couleur musicale, mais bon, après, ça doit mettre l'ambiance. C'est vrai que t'es dans le truc, c'est sympa. Voilà. D'accord, bon, on va revenir juste après une toute petite coupure musicale parce qu'il nous reste plus longtemps. Ce sera donc juste après Jérémy Frérot, qui faisait partie des Frérot de la Vega. Maintenant, ouais. Il chante tout seul et le titre, ça s'appelle Revoir. Au revoir. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant. Tant de déjà fait, tous ces beaux paysages, là je peux s'en moquer, mais pousser les nuages, nous devons y pas, ces pensées à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur sans peur du ciel, oh ni d'éternel, non non non, le temps a abjuré sans peur du sel, le naturel d'une note passée, penser à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ah. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire. De la hauteur. Faut l'achever. C'était donc Jérémy Frérot avec sur le titre fin. Revoir. Au revoir. On va au revoir. Juste avant son décès. Bon, c'est pas mal. Alors, il nous reste à peine quelques minutes pour rappeler. 2 minutes 30, exactement. 2 minutes 30 pour rappeler donc les événements, les différents événements. Alors, on va rappeler celui le plus proche, c'est les 24 heures de Moucron. Donc, ça démarre demain. Demain, ouais. Voilà, ensuite il y aura évidemment la Delta Fête, on peut en parler, hein, puisque c'est le 5, le 6 et le 7 octobre. Au Delta Herzo. Voilà, donc chaussée des ballons, où il va y avoir donc plus d'une dizaine d'artistes qui vont se succéder sur scène. Donc des chanteurs, des magiciens. Voilà, ça fait disparaître sa langue. Et ce qui est important de dire, c'est qu'il y aura une animation aussi pour les enfants, ça c'est important. Oui, le samedi, donc le samedi à partir de 14h, magiciens, clowns, on peut monter des chevaux, des poneys, il y aura des ballons. Ça te fait rire. Il y aura... Oui, tu pourras, ouais. Voilà. Marine a dit, c'est très bien. Tu pourras faire du poney, Marine. Ouais. Voilà. Non, mais c'est surtout qu'il va y avoir des super artistes. Rappelons qu'il y aura aussi Richard Alexandre qui sera là. Il y aura Blue Lebay, and the Soul Brothers, Gilbert Kelly, Marco Cianjoni, Patti Voti, Richard Alexandre, Émilie chante pour vous. Il y aura aussi Pamela Ella et Antonio et Gilles O'Kelly qui feront l'entrée en fait le vendredi de 11h à 18h. Voilà, absolument. Voilà. Alors et après, ensuite, bah, parlons aussi du 14 octobre. Il y aura le spectacle Paris On T'aime. Donc ce sera aussi au CSE donc, de Waterloo. Donc séance à 14h et 17h. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de gagner vos places hein, si vous le souhaitez. Et il suffit donc de nous appeler. Il reste quelques minutes pour nous appeler. Et pour ça, on nous appelle à quel numéro, Marine ? Au 056 34 11 81. Voilà. Et puis. Semaine prochaine, on parlera d'un événement aussi qui se passe sur Moucron le 13 octobre. Oui. Donc, oui, bien sûr. Voilà, avec Arnaud Thierard qui sera au platine aussi avec DJ Pimpon et voilà. Jean-Marie viendra certainement, Jean-Marie Domecker, nous parler de cet événement qui se passera à la Blomerie. Et je peux vous dire que DJ Pimpon vous met le feu. Voilà. Oh là. Okay. Sur ces bonnes paroles, on va dire. Oui, je pense que c'est plus sage comme ça. C'est pour ça qu'on termine à 22h. C'est pour ça que. Il y aura bien sûr. Allez, bonne semaine à tous. Allez, ciao, bye, à la semaine prochaine. Portez-vous bien.